Alors maintenant, je vais parler d'un sujet beaucoup, beaucoup plus... qui risque pas de servir. Ah bon, on va t'écouter. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de têtes chaudes, là. Il y a quelques-uns encore qui résistent. Comme tout à l'heure, je disais, moi, je suis les Romains, puis vous êtes les Gaulois, vous autres. Alors, ça résiste. Pas de toilette, pas de maison solide, pas de chauffage, rien, la bataille, de tout. Ben, attends pas qu'on tombe dans la potion magique, parce que... Ben, c'est ça que l'humain fait. Il tombe dans la potion magique, puis là, il va pousser les Romains. Ben, c'est ça. Quand l'humain tombe dans l'astral, il repousse l'intelligence, c'est pas à dire. Alors, parlons d'un sujet plus doux, pour que les gens puissent digérer un peu, parce que c'est assez sur ce qu'on a aujourd'hui. On pourrait évidemment adoucir tout en parlant de la complexité des mécaniques temporelles, mais... Parce que... des sujets futiles. J'aurais pu m'en aller simplement après la deuxième partie, puis se finir là, mais je préfère désamorcer un petit peu énergétiquement les individus, c'est pour ça que je suis resté. Alors, on ne perd pas notre temps, ça fait partie des choses. Ceux qui vont critiquer qu'on perd notre temps, c'est parce que vous allez à la pêche. Bon. Revenir sur le... Pas revenir, non, revenons sur rien. Sur les concepts, mais pas les concepts qu'on a vus. Là. Ah, OK, des concepts conceptuels, OK. Sur les concepts, à partir de ce que tu amènes, depuis le temps que tu fais des conférences du genre de ce qu'on fait aujourd'hui, tu amènes des... Ce que tu dis, finalement, tourne en concept. Mm-hmm. Je peux pas dire le contraire, là, du coup. C'est mal je viens de dire oui. Mais, par exemple, l'astral. Jusqu'à quel point ça existe vraiment, l'astral? Même, est-ce qu'elle existe, l'astral? Parce que okay, c'est complexe ta question parce que ça va nous ramener encore. Elle est basée sur ce que tu as entendu la première et la deuxième partie. Non, la question existait avant que j'arrive ici. Oui, je comprends, mais c'est parce que si je te dis que l'astral existe, est-ce que ça te satisfait? Peut-être. Alors, l'astral existe, voilà. Non, ça ne me satisfait pas. Ok, je vais te poser d'autres questions. Ça serait satisfait pourtant si tu l'avais posé au début. Parce que souvent, on va ce que j'aime pas, c'est que... Pas ce que j'aime moi, ce pas, que qu'on peut faire, peut-être, là, ça serait parler de... plein de choses, là, mais... Il faut que ce soit quelque chose qui énergise, qui adoucisse, puis qui ne peut pas servir tout de suite. Parler d'OFSA. Oui, on va parler d'OFSA. Alors, quand est-ce qu'on va bâtir OFSA? C'est pas pire. Quand ça va commencer, là? Ah bon, c'est ça. Pour bâtir OFSA, il faut une quantité de gens puis une quantité de qualité de gens. Donc, il faut deux choses. Puis ensuite, il faut une quantité d'argent. Et avec ça, on peut bâtir OFSA. Tant qu'on n'a pas la quantité de gens avec la qualité et qu'on n'a pas la quantité d'argent, OFSA, ce n'est pas... Mais présentement, la quantité est là. La qualité est La quantité est de gens, elle est là. La qualité est totalement absente. Oh, totalement. Tu as raison, je m'oubliais. Ouais. Un peu de modestie. Ben, j'ai dit qu'il n'y avait personne. C'est pas assez modeste. C'est obstine. Bon, ben là, je dis à moi. Mais non, on a dit que le nombre était suffisant. Oui, la qualité n'était pas là. La qualité c'est modeste, était, hein? Non, était à parfaire. Plutôt. Bon, que la qualité est zéro ou la qualité est à parfaire. Non, non. De zéro, c'est parfait. Parfaire, ça veut dire qu'il y a déjà une existence de ça, là. Oui, mais il n'y en a pas. Oui, mais il n'y en a pas, Daniel. Moi, je parle de réalité, mais c'est vrai, il faut qu'on reste dans l'illusion. OK, tu as raison. Bon, oui, effectivement. Il y a des gens qui sont prêts d'être prêts, d'être proches, d'être prêts. Oui, c'est... Parce que, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'on a jasé. On va en reparler. Mais, OK, bon, oui, OK, oui. Ben oui, mais là, je peux plus te parler, moi, là, de... Pas de ça. Ah, parle d'un autre sujet. Qui va avoir le plus beau gazon du village? Le voisin. Le voisin va avoir le plus beau gazon. C'est humain. On peut parler de quoi? Parce que je veux que ça nous aide de se morcer comme il faut, là. Il faut que les gens, Comme tout à l'heure, il y a une personne qui me disait « Ouais, mais tu sais, c'est vrai, en hostie, ce que tu dis, puis moi, ça m'écœure en maudit. » C'est ça, là, tu es en train d'aller à la pêche, tu sais ce que j'ai dit, pourquoi tu peux souffrir? C'est le même maudit de femme, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. L'être nouveau, c'est un être qui sourit. Parce que c'est correct, parce qu'il est heureux, pas parce qu'il était paix, là. Comment faire à partir d'aujourd'hui? Tu veux pas, savoir. Comment faire pour... On oublie le passé, hein? Ça, c'est une bonne chose. D'accord avec ça? Qui es-tu? Je suis trop vite pour lui. Bon, OK. Bon, on va oublier le passé. On oublie tout le passé. Lequel? Le passé. OK. Et puis... Mais ça se peut pas, ça. À partir Parce de que ce qu'on... Parce que le passé, c'est pas une question de mémoire. C'est une autre adresse temporelle. Moi, c'est dans le sens, quand je parle de ça, c'est dans le sens de ce que tout t'a fait, là. Toutes les conneries que t'as faites, toutes les bonnes choses que t'as faites, là, on les oublie. Okay, on part à partir de ce que tu es, toi, là, présentement. OK, dans le sens spirituel du terme, oublier le passé. OK. Non, c'est pas dans ce sens. Wow, OK, c'est dans ce sens-là. Oui, mais c'est même si tu oublies le gars dehors, il reste là, le gars dehors, pareil, tu sais. Non. Oublier le passé reste là. OK, OK. Non, mais le gars qui est dehors, il n'est pas dans le passé, c'est présent, ça. Le passé aussi est présent, dans une autre adresse temporelle. Ça, je me dis qu'oublier le passé. C'est toi-même qui disais, bon, on oublie le passé, puis il ne faut plus parler du passé, il faut aller vers le futur, on oublie le passé. Bon, OK, OK. On oublie le passé. On va vers le futur. Vas-y, continue maintenant. OK. Et puis, que faut-il faire pour, à partir de maintenant, avec ce qu'on a comme qualité? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à vivre ce qu'on veut vivre? Ce qui doit être vécu. On va vivre de toute façon, comme dire. Bon. On va vivre de toute façon. Non, parce que là, on revient avec la même affaire. Lui-même ne veut pas rien. Je te dis, il n'y a plus rien. Je te l'ai dit tout à l'heure, même à la première partie, j'ai plus d'affaires. Moi, là. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'on va faire, puis je sais comment lui-même va réagir à ça. Puis, ce qu'il faut faire, regarde, moi, juste en parler un petit peu de ce qu'il faut faire, tu vas déjà voir du monde qui vont trouver des protestations. C'est le futur, ça? Hein? Parce que la prochaine conférence, on va probablement revenir sur la mécanique du temps. Puis, ça aussi, c'est important que les gens saisissent, parce qu'il y a bien des choses que je n'ai pas dites encore. C'est tellement facile de comprendre le monde. Quand tu vois clairement ce que c'est le monde. Facile à comprendre quand tu le comprends. Puis après ça, oui. Puis quand tu vois aussi clairement c'est quoi le temps, puis quand tu peux te promener là-dedans, puis c'est facile à comprendre. Si tu savais le nombre de fois que j'ai été voir quand tu faisais des mauvais coups que tu n'as pas fait, que tu penses que tu n'as pas fait, mais qu'un autre toi a fait dans un autre temps. De toute façon, moi, je ne me rappelle pas tellement de mon passé. Je me suis engagé policier, puis je t'ai arrêté 3 fois. Ah, oh, mais tu n'avais pas besoin de... C'est là qu'il se défend. OK. Tu allais dire ce que tu savais. Non, j'ai pesé, j'ai appuyé sur le tape. Bon. Donc, ça va. Ce qu'il faut faire, on va y aller de très, très loin. Parce qu'après ça, je sais comment y arriver en plus. C'est là-dedans que les gens vont planter le plus. Autrement dit, la première étape, l'étape 1, il y a quelques-uns ici qui vont frémir en disant que... Mais quand on va faire l'étape 1ABC, là, il y a pas mal plus de gens qui vont commencer à dire blablabla. Quand on va faire l'étape AABBCC, là, ça va protester en masse. Puis quand on passe à l'étape de maintenant, c'est ça qu'on fait. Il ne restera plus personne. Ben, au moins, tu pourras dire. Oui, en attendant, c'est intéressant parce que vous êtes intéressé pas à agir, à placoter. Tant qu'on placote, il n'y aura pas de problème. Aimes-tu mieux que je le tourne comme ça? Ça facilite ma compréhension, oui. Ah oui. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre le contrôle de la matière. Ça veut dire avoir de l'argent? Ça veut dire avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire avoir de l'argent. Ça veut uniquement dire avoir de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être qui se conscientise doit avoir de l'argent. Et en travaillant pour aller chercher de l'argent, on parle du 20e siècle, en travaillant pour aller chercher de l'argent, l'être qui se conscientise va devoir tout faire, tout appliquer ce qu'il faut pour muter. Pourquoi? Muter. L'être qui se conscientise au 20e siècle ne peut pas s'en sortir s'il reste pauvre. Bon. Mm-hmm. Actuellement, alors, je suis sûr, si tu prends des vacances pour 20 ans, bien, dans 20 ans, les conditions vont avoir changé. Okay? Ça, c'est le A. Maintenant, pour aller chercher de l'argent, il y a des choses à faire. Aller chercher de l'argent, ça veut dire que vous rentrez dans une caisse, dans une banque. Vous voyez la caissière. Armée ou non? Mais non, pas armée, non. Mais non, c'est pas un... C'est un retrait volontaire, c'est un don volontaire. Tu vois la réception, tu vois le gérant, tu rencontres le gérant, tu dis j'ai besoin de 50 000, le gérant dit parfait, fais un chèque de 50 000. Donc 50 000. Okay. Ça, j'appelle ça, moi, le contrôle de la matière. C'est pas le contrôle du gérant? Non, le gérant, c'est de la matière. Bon. Okay. Ça, c'est le contrôle de la matière. L'être humain, il y a des étapes. Il y a quelques étapes. Comme par exemple, faire un dépôt de 50 000 deux jours avant. Ah! Ah! Il semblait qu'il y avait un guille sous roche. Alors là, maintenant, quand tu vas à la banque, tu demandes 50 000, tu te le donnes, tu sais, c'est ça. Tu comprends? Mm-hmm. Là, j'atténue, là. T'as 50 000 maintenant. Bon. En où? Bon, 50 000, ça, c'est pour t'acheter les mouchoirs. Ah oui, ça, on s'entend là-dessus. OK. 50 000 piastres de mouchoirs, tu peux dormir confortable là-dedans, là. Mais là, ça veut dire que ça prend à peu près un autre 100 000 pour avoir l'entrepôt pour entreposer les mouchoirs. 25 000 d'assurance? On s'en sort pas. Mais là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ce que l'humain riche fait. Fait qu'il a toujours besoin d'argent, pas pour faire, pour maintenir ses infrastructures financières. Alors que l'être qui se conscientise, il a besoin de savoir 50 000 libres, 100 000 de plus libres, 25 000 de plus libres, il a besoin d'avoir un minimum de 300 000 libres. Puis là, ce qui arrive, c'est que le moindrement que vous voulez faire de l'argent, vous devez changer. Changer, ça veut dire être capable de comprendre les mécaniques de l'ego, les mécaniques de gestion des égos des autres, les mécaniques du planétaire, les mécaniques de vente. La vente, c'est le contrôle. Et donc, les mécaniques de contrôle, vous devez extirper votre ego, vous devez confortabiliser votre présence au 20e siècle. Ça veut dire que vous devez accepter l'idée d'être mieux. Et c'est là qu'on s'en va planter au maximum. Parce que là, pour réussir, si vous avez de l'argent et de la conscience, ça veut dire que vous avez maintenant la capacité de créer. Avant de créer, on passe par la volonté. Mais la volonté vient après le savoir. Les gens savent, les gens doivent maintenant agir. Pour ça, ils vont être capables de passer à d'autres états. Et ça veut dire ça que vous devez être capable de passer par-dessus toutes les infrastructures, toutes les barrières qui existent dans le monde, donc dans ce monde. Et nécessairement, vous allez améliorer votre condition planétaire, matérielle. C'est évident. Et ça, ça va vous donner le temps, l'espace, les gens, la matière, la technologie. Ça va vous donner tout ce qu'il faut pour créer le contexte dans lequel vous allez être capable de finir votre mutation. Ça va vous permettre d'autres choses très intéressantes au niveau stellaire. Sauf que l'humain va buter sur la mécanique de l'argent parce qu'il ne peut pas buter sur la mécanique du bonheur. Il ne peut pas dire « je ne veux pas être heureux ». Il va dire « j'ai pas besoin d'argent ». Parce qu'il y a des spiritualisations du contact avec le contrôle de la matière qui ont permis à l'humain d'atténuer le contact d'intelligence avec l'idée que la richesse ne fait pas le bonheur. Qui a dit que la richesse faisait le malheur? Bon, ceux qui pensent que la richesse ou le malheur vont y aller, mais l'humain intelligent va nécessairement améliorer sa condition s'il a de l'argent. Et quand je parle de l'argent, moi je parle de très peu, 300 000. Et l'humain, pour y parvenir, il y a des choses à faire. Les individus, comme tout à l'heure, je te disais, moi, là, tu prends un groupe d'individus qui agissent. En un mois, tout est changé au complet. Parce que, prends l'exemple, faire off ça, c'est pas compliqué faire off ça. Ça coûte bien moins cher faire off ça que faire la ville de Montréal. Ça coûte bien moins cher faire off ça que juste réparer Los Angeles suite aux derniers incendies. Ça coûte bien moins cher faire off ça que reconstruire l'Europe avec le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont reconstruire Sarajevo, il n'y a aucun problème. Ça coûte bien moins cher faire off ça que tout ça. Bon, ça coûte bien moins cher faire off ça que d'envoyer une navette dans l'espace. C'est pas un problème faire off ça. La problématique, c'est que c'est infaisable actuellement parce que ça va amener des choses qui sont à l'encontre de l'humain. Mais off ça, ça se fait bien. Puis off ça se fait bien, mais pas dans la spiritualité. Dans la spiritualité, ça va demander beaucoup plus de gens, vu que tu n'as pas la qualité. Ça va demander des investissements financiers qui ne sont jamais assez grands. Et ça va demander le fait que quand on va avoir fini de le construire avec tous les problèmes qu'on aura eu à régler, si ça se met à marcher, bien là, vu qu'on l'a bâti spirituellement, donc on n'est pas dans la conscience, il va falloir maintenant qu'on le détruise. Parce que on risque d'être heureux. Il faut essayer le bonheur, c'est quand tu vas rejoindre Dieu. C'est pas sur la terre, Dieu va être jaloux. Alors, on va le détruire. C'est ce qui arrive avec tout ce qui monte. Tant que ça monte, le monde, c'est correct. Il gueule, il souffle, il se blesse, etc. Puis quand ça arrive à être correct, bien là, il faut qu'on mette le feu là-dedans. Faire off ça, c'est banal. Présentement, il y a effectivement suffisamment de possibilités énergétiques pour penser qu'on puisse lancer le programme OFSA. Pas le projet OFSA, le programme OFSA. Le projet OFSA fait partie du programme OFSA. Ça veut dire qu'au départ, il faut que les gens commencent à vibrer à l'affaire, que les gens utopisent donc pour avoir plus d'informations du futur, puis que les gens prennent conscience que c'est lorsqu'on va être capable de gérer des millions de dollars qu'on pourra commencer OFSA. La personne qui veut commencer à faire OFSA en se disant, écoute, si on s'achetait un petit terrain, là, une affaire comme 10 pieds par 5 pieds, puis 2-3 ans après, on rajoute un petit 4 pieds, puis après ça, tu sais, puis là, on met nos tentes là-dessus, puis on s'offre ça. C'est pas ça. Une marche qui peut être entreprise, qui est plus grande. Vous achetez un immense terrain, puis vous bâtissez des maisons régulières dessus, parce que le temps qu'on prend à créer les dômes, etc., on va encore passer 5 ans à vivre dans le bois. Donc, on fait bâtir des maisons ordinaires. Minimum, on se rapproche de l'idée, mais ça, juste pour faire ça, il faut que tu aies déjà des gens de qualité. Donc, des gens qui veulent avancer et qui veulent être heureux. Sans ça, on va recommencer à mettre des clôtures, à mettre des ci, à mettre des ça, à faire des cela, etc. Ça va recommencer à faire les mêmes mécaniques qu'on a actuellement. Donc, il faut pour ça, donc, préparer les gens. Pour préparer les gens avant ça, il faut que les gens comprennent que la façon la plus évidente de se préparer, c'est de s'offrir, si l'être intelligent va s'offrir des choses, il n'y a pas de problème, de s'offrir un cadre, un contexte qui est matériel, et spatial, un contexte qui peut être événementiel, donc même si vous achetez rien, de s'offrir un contexte qui va permettre de rester, de baigner dans l'intelligence plus longtemps que normalement. Et en baignant plus longtemps que normalement, même si vous ne voulez pas avancer, vous allez devoir vous bouger pour couper le contact, mais vu qu'on reste dans baigner dans l'intelligence, elle nous rattrape tout de suite. Tu tasses encore, tu te rattrapes. Puis à un moment donné, tu vas muter suffisamment pour maintenant être capable de bouger. L'événementiel plus que le spatio-temporel va être, on va pouvoir se l'offrir uniquement si chaque personne qui est dans la démarche a suffisamment d'argent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est qu'on dit... On commence avec une semaine, parce que si on veut avoir trop de bonheur d'un coup, c'est dangereux. Alors, on prend peut-être juste une fin de semaine. On va dire une semaine, disons, pour utopiser. Bon. Alors, on prend une semaine comme ça, et puis on se loue une portion, ou simplement on loue à nous autres au complet, le Club Med 1 ou 2. Bon, Club Med 2, je crois. Non, le 1 qui existe, le 2 est en construction. Bon. Ça, c'est le plus gros voilier qui existe au monde. Alors, on le loue. Puis là-dessus, ça, c'est un voilier pas de beau. Tu ne te pas de même. Il n'y a pas de gîte, il n'y a pas rien. Le tangage, il n'y en a pas, le roulis, il n'y en a pas. Et les voiles, c'est tout contrôlé par ordinateur, mais c'est un club méditerranéen voilier. Alors, puis là, il y a des îles que tu arrêtes, puis tu peux faire des petites babelles. Tu loues juste ça. Puis là-dedans, bien là, il y a toute une structure qui est préétablie pour que les gens puissent être confrontés à l'horreur du bonheur. OK? Et là, tu vois que les gens peuvent pas, puis ils bousinent, puis ting, ting, ting, ting, ting. Bon, mais vu qu'ils ont de l'argent, ils sont là. Et vu qu'ils vont bailler une semaine de temps là-dedans, quand ils vont revenir chez eux, ils vont, l'intelligence va continuer à les conserver. T'sais, ils vont se dire, c'est vrai que c'est ça, mais c'est-tu niaiseux que je puisse pas? C'est la nature est à l'encontre. Et puis, à un moment donné, tu récidives ailleurs dans le monde ou tu récidives dans d'autres événements. C'est important que les gens comprennent que la démarche principale, la première démarche, c'est d'aller chercher de l'argent. Bon, puis c'est pas de l'argent noir, puis pas de l'argent au détriment de n'importe quoi. Puis l'argent, quand les gens sont amenés d'en entendre parler, c'est uniquement parce que, justement, ça peut les aider. Et il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher de l'argent. Il y a tout ce qu'il n'y a aucun problème. Il faut que les individus décident d'aller chercher l'argent. Ils vont aller chercher de l'argent. Puis pas avec des idées égoïques. « Ouais, c'est vrai, c'est de l'argent qu'on me doit, là. » Non, là, tu recherches la souffrance, tu vas y aller. Puis si l'argent peut t'amener à t'en sortir, tu vas aller jusqu'au bout, sauf jusqu'au chèque. Puis tu vas te servir de l'événement uniquement pour comme occasion de souffrance. Donc, il faut que l'humain comprenne, que la conscientisée comprenne que la première démarche, c'est une démarche financière. Puis cette démarche financière-là, elle se fait à la condition que les individus comprennent royalement que l'énergie, l'argent qu'ils vont aller chercher doit être géré strictement par l'intelligence. Donc, ils peuvent, dans la mécanique d'argent qu'ils vont aller ramasser, bon, ils vont recevoir un salaire, etc. Mais il faut qu'ils se donnent le salaire en fonction de leur capacité de gestion. Parce que sans ça, ils vont prendre le surplus d'argent, ils vont dépenser encore une fois pour pouvoir se punir, pour pouvoir se démolir, s'empoisonner. Après ça, se récompenser, là, mais c'est s'empoisonner pareil, etc. Bon, ça veut dire que normalement, il faut que, pour que ça fonctionne, là, on parle d'utopie. OK? Bon, il y a des choses qui vont probablement, bon, ça va se faire dans les mois à venir. Sauf que ça serait plus vite, ça serait plus vite. Il faut que l'humain comprenne que si, par exemple, on s'associe tout le groupe dans une démarche solide d'aller chercher de l'argent, ça prend probablement un mois. Vu que les gens ne sont pas bons, mettons un mois et demi, deux mois, parce que les gens vont être à moitié prêts, pour aller chercher suffisamment d'argent pour commencer off ça, mais ce qui est essentiel, c'est que la majorité de l'argent n'appartienne pas à personne. Il y en a juste assez pour les faire vivre convenablement, les faire monter dans leur échelle d'énergie pour pas qu'ils capotent le fait d'avoir de l'argent, pour améliorer leurs conditions. Par exemple, à un moment donné, je vais voir quelqu'un, je dis « Parfait, ta maison, elle est belle, tu viens t'acheter une nouvelle maison, tu as payé 350 000, c'est bon. » Bon. Là, maintenant, toi, il te faut une piscine intérieure. Je ne parle pas d'une affaire olympique, là. Il te faut une piscine intérieure. Il n'y a rien de mieux pour un être qui se conscientise de temps en temps de pouvoir aller se baigner, aller nager, de se dégourdir dans l'eau. Bon, il te faut une piscine. La personne va dire, viens une piscine dans la maison. Voyons donc, c'est déjà assez grand de même. Il faut que l'humain comprenne que c'est pas que c'est déjà assez grand de même. Parce que là, tu me dis, c'est voyons donc, c'est déjà trop. Tu sais. C'est pas trop. Il te faut une salle d'exercice. Il te faut une piscine. Il te faut un spa. Il te faut un salon. Il te faut une salle de lecture. Il te faut une salle de travail. Il te faut la chambre. Il te faut une ou deux chambres d'amis. Il te faut. Il te faut. Bon. Dans certains cas, il te faut un endroit pour observer les astres. Il te faut évidemment un jardin extra, un truc intéressant dehors, une place pour marcher et le promener. Dans certains cas, il te faut ton écurie. Dans d'autres cas, mais ça, c'est pas trop. C'est une question d'équilibre au niveau de l'énergie. Ça veut dire que toi, tu arrives ici et tu vas installer ton trépied de ton vaisseau là, sur la Terre. Ça veut dire la piscine, ça veut dire le ceci, le cela, le cela, le cela, le cela. C'est la façon de me recevoir. Quand j'atterris là-dedans, je reste centré, je reste moi, je reste stable. Et là, je peux commencer à contrôler les mécaniques planétaires pour créer quelque chose qui serait beaucoup plus d'envergure, pour qu'on puisse agir. Mais tant que l'être humain n'est pas capable de comprendre que ça, tu en as besoin, ça, tu en as besoin. C'est pas une question de luxe, c'est pas une question de confort, c'est même pas une question de confort, c'est une question d'énergie. Et quand tu es dans ton assiette énergétique, tu es nécessairement plus heureux, d'où le fait que les gens ne l'ont pas, tu es nécessairement plus confortable. Mais le confort ne doit pas t'amener le bonheur dans la structure actuelle. C'est pas ça le confort. Le confort t'amène à mieux. Bon, au niveau du bonheur. Alors, ça veut dire que l'être humain doit comprendre que quand moi je parle de richesse, je parle d'argent, il faut, pour qu'on en arrive là, que les individus comprennent clairement qu'effectivement j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Alors, mais que le comprendre, il y a deux façons de l'énergiser. Une qui fait partie de l'incompréhension humaine et qui donnera dans de rares cas, donne des résultats, Ça va être quand tu vas rencontrer quelqu'un pour aller chercher de l'argent, soit que tu vends, soit que tu collectes, en tout cas, la raison que tu voudras. Tu te dis, je veux ma piscine, je veux ma piscine. Bon, les vendeurs peuvent faire ça et dans de très rares cas, ça va fonctionner. Mais eux, ça fonctionne, ils ne sont pas plus heureux, évidemment. Bon, si ça fonctionne, c'est parce que ça les permet d'être malheureux. Bon. L'autre façon, c'est que tu vas chercher des choses et tu vas aller donner en échange d'énergie quelque chose et implacablement, l'autre prend la chose et il se libère de ta chose. Tu vas aller chercher des outils que tu as besoin. Il n'y a rien qui nous empêche dans le monde, ni dans l'histoire, ni dans le présent, d'établir ce qu'on a établi. Mais il y a des conditions essentielles à ce contrôle, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel tu es. Tu ne pourras pas faire pousser des plantes, des fleurs sur le ciment. C'est impossible. Donc, tu ne peux pas non plus aller voir l'humain et dans ta transaction avec lui, que ce soit une transaction de parole, d'aide, de soutien, de n'importe quoi, tu ne peux pas aller voir l'humain avec de l'intelligence pure. L'intelligence pure engendre une problématique qui va l'obliger à se tasser. Donc, tu le perds comme client, tu le perds comme communicateur. Si tu lui amènes quelque chose qui l'amène à souffrir, tu as plus de chances de le maintenir. Comme par exemple, c'est évident que si on décide de vendre de la drogue, le marché est prêt, il n'y a aucun problème, la loi le permet, tout est gros dur. Maintenant, l'intelligence, le chapeau de société va faire dire, crime, pognez-en un de temps en temps au moins, parce que quelque part, ça ne marche pas. Mais on tolère, il n'y a aucun problème. C'est évident que notre intelligence ne nous permettra pas de vendre de la drogue. Mais l'idée d'être dans la compréhension de la chose, c'est que si tu vas vendre un produit qui peut améliorer le sort de la condition humaine, tu te gourres complètement. Par contre, notre nature dans l'intelligence va être d'améliorer, parce qu'on est poussé vers l'intelligence. Donc, tout ce qu'on va dérestrifier améliore la condition humaine. Et la problématique, c'est que quand tu te retournes pour le faire subventionner, le financer ou le vendre, bien, tu regardes un peuple qui n'en veut pas. Alors, comprenant la mécanique, je l'explique simplement comme ça, mais elle est beaucoup plus à étudier, c'est qu'il faut que tu puisses vendre quelque chose qui, finalement, ne les aidera pas, mais qui, en même temps, va permettre à leur intelligence d'avoir l'impression qu'ils l'achètent pour leur mieux-être. Et qui ne les aidera pas, donc l'ego va être capable d'autoriser l'achat. Et ça, c'est une chimie très complexe qui peut être contrôlée pour que tu puisses... Prenons l'exemple d'un psychologue qui rencontre un patient. Si le psychologue veut l'aider, le patient, il perd tout de suite. Si le psychologue est capable de juste jouer avec l'intelligence du patient, vous voulez vous en sortir, monsieur? Ça donne mal. Ah bon? Si vous prenez un petit peu de Valium, de temps en temps, ça vous aiderait. Ah oui! Et ça va aller. Mais c'est ça, c'est vrai. Alors que si je lui dis, écoutez, vous voulez vous en sortir? Oui. Bon, ben, vous allez commencer par couper ça, puis faire ça. Ah, ben, là, il va aller voir un autre. Alors, il faut, dans toutes les démarches, dans l'éducation, ce sera la même chose. Si on veut vendre un système d'éducation, et comme on applique actuellement, c'est évident qu'on ne peut pas rien vendre, parce que les gens sont tous intéressés à ce qu'il y a à la démarche, par exemple, du groupe financier. Les gens, les clients, de très gros clients, là, on parle de clients nationaux et multinationaux, mais ils n'ont rien acheté ailleurs et ils n'ont rien acheté chez nous. Parce que la présentation est tellement bien faite que leur intelligence est court-circuitée. Ils ne peuvent pas s'autoriser à acheter ailleurs, mais leur ego ne veut absolument pas acheter chez nous. Mais ça... À un moment donné, il faut comprendre la chimie. L'être humain qui décide de passer va savoir clairement ce qui doit être fait. Ça va toujours être esthétique, mais l'être humain qui décide de passer n'aura jamais de problème à l'appliquer. Et là, nous, on a un problème majeur. Parce que là, je suis en dissonance entre deux choses. Si on fait quelque chose qui n'est pas intelligent, tu pourras pas. On va contre... Tu ne pourras pas le faire. Contre. Tu ne vas pas contre, tu ne pourras pas le faire. Bon, ça, c'est une chose. Si on fait quelque chose d'intelligent, ils ne la jetteront pas. Sauf ça dépend que, comment tu te présentes. Sauf que là, suivant... Dans la présentation. Oui, mais même à ça, suivant ce que tu as expliqué dans les deux premières parties, si on arrive avec de quoi d'intelligent, ça devrait tellement les heurter fort qu'ils vont l'acheter pour avoir la paix. Non, ils vont bouger et tes pères comme clients. Parce que ce qui les heurte, c'est ta présence, c'est ton dialogue, c'est ta présentation. Tu arrives avec un truc extrêmement intéressant, un médicament. Le médicament, il peut sauver plein de vies humaines. T'en vendras pas, ils vont dire, c'est trop beau pour être vrai, ils vont tout faire, te croiront pas. Ça te donne ton médicament, ça là, il y a de l'argent à faire en tabarnouche avec ça. Ils vont tous venir autour de toi. Ça guérit quoi, ça? Ils vont te le dire par intelligence. Oui, mais il faut que ça guérisse. Eux autres te le disent. Tu dis, oui, jusqu'à date, ben, j'ai des statistiques ici, là, il y a le monde qui avait telle maladie, puis là, ils sont guéris, puis c'est prouvé. Le gars regarde ça, t'es sûr? Oui, ça guérit. Parce que si, c'est vrai, il y a de l'argent à faire avec ça. Ah là, c'est évident. Mais jamais les gens vont travailler sur le bien-être. Et puis la façon dont c'est présenté, c'est que la problématique qu'il y a en ce qui concerne les conscientisés, c'est que l'individu va comprendre le discours bête, il y a de l'argent à faire avec ça. Mais quand il s'approche de vous, sa conscience monte. Puis si vous lui dites, hey, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça, il y a des chances que vous ne soyez pas recevable. Parce que là, il est trop près de l'intelligence par votre contact. L'intelligence lui dit, « Oh, si il y a de l'argent à faire avec ça, c'est pas intéressant. » Donc, toi, tu dois dire, il y a beaucoup d'argent à faire et ça peut aider l'humain. Mais c'est pas évident ça non plus. Donc, il y a une chimie. Là, il y a quelque chose à développer qui est à rechercher. Je peux trouver quoi quand je vais trouver les individus, quand les individus vont être rendus à une étape où ils pourront appliquer. Mais c'est juste au niveau de la présentation. Pour les choses qu'on peut appliquer, enfin atténuer, mais qu'on peut appliquer, c'est correct. Comme l'exemple le plus évident, on revient encore avec, ça c'est toujours l'humain, mais ça va revenir avec les deux parties, je crois. OK, on continue. Bon, ça c'est la première chose. Tu parlais de la première chose à faire. Là, oh, mais j'en parlerai pas d'autre. Là. Ah non? Non, c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Tu comprends? Oui. Je... La deuxième chose à faire vient en second. Une fois que la première chose à faire est faite, évidemment, il y a du A, B, C, il y a du A, A, A, B, A, C, du B, A, B, C, B, B, etc. Mais bon, tu disais que c'était pour heurter bien du monde, là. Non, je dis que juste au petit début ici, il va en heurter quelques-uns. Quand je commençais à définir les autres choses, ça va en heurter encore plus. Mais là, j'ai assez heurté aujourd'hui. Dans la matière, tu parles? Non, dans les égos. Non, ce que je veux dire, c'est ce qui va heurter les égos, c'est... Ah oui, c'est des affaires à faire dans la matière, mais qui oblige les changements à l'intérieur. Bien... Je ne veux pas venir sur l'autre, mais... Ah, tu peux essayer. Mais ce qui est simple, là, c'est que... La seule affaire à comprendre dans les gens qui ne veulent pas faire d'argent, c'est parce que s'ils font de l'argent, ça va les rendre heureux. Il y a deux choses à comprendre. Ou bien leur malheur les rend malheureux, donc ils sont déjà bien. Ou bien l'argent peut... C'est risqué qu'ils deviennent intelligents. OK? Donc, chez les conscientisés... À un certain niveau de conscientisation, c'est que l'argent, c'est un risque pour eux. Ils peuvent avoir des outils trop puissants et ils peuvent peut-être s'en sortir. Alors, ils n'auront pas d'argent. Pour les autres conscientisés et le reste de l'humanité, ceux qui n'ont pas d'argent, ça entretient le malheur, alors ça va. Pourquoi aller chercher de l'argent quand tu es déjà malheureux? Quand tout va bien, finalement. Mais quand tout va comme tu veux. Évidemment, tu ne pourras pas l'admettre parce que l'intelligence descend immédiatement. Je disais vendredi dernier que ça ressemble beaucoup à un parent qui parle à son enfant, qui lui dit « Fais ta chambre! Fais ta chambre! Fais ta chambre! » Bien, à un moment donné, quand tu te débarrasses du parent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta chambre. Là, il ne t'en parle plus. Bien, lui-même, mais l'enfant n'a pas fait le ménage de sa chambre parce qu'il voulait une chambre propre. Il a fait le ménage de sa chambre parce qu'il voulait couper le contact avec le parent. L'intelligence, c'est la même chose. « Mange pas ça! Mange pas ça! Mange pas ça! Mange pas ça! » À un moment donné, si, bon, mais t'en as assez. T'essayes, évidemment, tu te bois un peu, t'essayes de vivre ailleurs où il y a moins d'intelligence, bon, t'essayes. Puis elle te rattrape toujours, puis à un moment donné, la seule façon de faire taire ce bout-là, c'est de couper telle cochonnerie. Mais la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont améliorer leur santé, par exemple. Ils vont couper dans certains aliments, l'intelligence arrête. Deux, trois semaines, un mois. Et qu'est-ce que tu recommences à manger des cochonneries, elle ne vient pas, puis là, tu retournes dans tes affaires. Puis à un moment donné, elle va revenir. Tu as encore commencé. Mais qu'est-ce qui fait dire à quelqu'un qui, lui, veut vraiment avancer. Il n'a pas. Oui, mais il y a des gens qui vont dire, je veux avancer. Oui, c'est sûr, ça. Mais c'est simplement leur spiritualité. C'est la spiritualité. L'humain pense que c'est la réalité. L'humain, il voit dans le miroir. L'humain pense que c'est la réalité, que c'est ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ça, il doit dire ça pour couper le contact. Non, il n'y en a pas de contact, mettons. Je recherche le contact. Non, s'il n'y a pas de contact, il ne veut rien. S'il n'y a pas de contact, là, il veut la femme de l'autre. Ça veut dire il ne dira pas parce que je vais être heureux. Il va dire parce que si m'a possédé. Ça veut dire que quelqu'un qui dit ça tous les jours, ça veut dire qu'il est en contact constant. Quelqu'un qui dit vouloir s'améliorer, c'est quelqu'un qui n'est pas en contact constant. C'est quelqu'un qui a développé le schéma spirituel du gars ou de la fille qui veut s'améliorer. Puis qui doit le répéter. Puis la personne là qui, à un moment donné, devient frustrée ou en colère, là, elle a un contact. La personne qui dit « Ah, oh, mais là, c'est vrai, amnesty, là, elle a un contact. » Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour pouf, se tasser, couper le contact. Là, une colère. Nous, bon, en venant à une conférence, on atténue les contacts. Ça mijote. Ouais, mais on en provoque d'autres. Et elle n'a pas le choix, ça, c'est pas le choix, ça, c'est la vie. C'est pas de l'arbitre, elle n'a pas le choix. C'est pour ça qu'à un moment donné, plus les gens se tiennent ensemble, si tu regardes le groupe des chefs ou ceux qui travaillent ensemble, par exemple, au niveau du groupe financier, ceux qui tiennent ensemble le plus souvent possible, ils sont plus nombreux, ils sont toujours dans l'amour, dans leur style d'intelligence, bien, ils sont toujours obligés de se tasser. Bon, ouais, le groupe avance donc plus vite. Ils sont niaiseux, tu sais, ils sont... T'es dedans. Oui. Moi, je suis pas dedans, moi, je dirige ça, tu sais. Non, mais on veut... Ils sont pas niaiseux, ils sont comme tout le monde, sauf que du point de vue de l'intelligence, ils sont avantagés. Parce qu'ils sont dans une structure, donc ils se sont donné une structure. C'est une question de génétique, une question d'un paquet d'affaires. Ils se sont donné une structure qui fait en sorte qu'ils avancent plus vite. Ils avancent malgré eux plus vite que les autres qui avancent malgré eux plus lentement que les autres qui avancent plus vite malgré eux que les gens. Alors, nécessairement, à un moment donné, ils vont finir par être tout près de la mutation. Ils vont commencer à muter des choses. Ils vont commencer à avoir de la volonté. Et la volonté, ça veut dire que quand tu appelles quelqu'un pour avoir une affaire, tu l'as toujours. C'est ça, la volonté. C'est pas de la puissance dans le sens du pouvoir, c'est pas de les mentaliser, instrumental, ce qu'il appelle, l'autre va écouter. C'est pas ça. Mais la volonté, ça commence vers soi-même. Avoir c'est la automatiquement volonté. Vers toi quand ça marche vers tout le monde. C'est une chose unique, finalement. Oui. Tu as la volonté d'appeler pour demander une chose, tu as la volonté de te coucher à l'heure, tu as la volonté de t'habiller comme il faut, tu as la volonté de. Tu n'as aucun problème. Okay. Si tu as la force, c'est de l'énergie, cela. Ben, c'est évident. Mais genre, c'est de l'énergie, c'est une canalisation différente de l'énergie. On a en masse d'énergie. Non, mais c'est parce que si, par exemple, il y a quelqu'un que l'ego, par lequel l'ego est intimidé, il faut que tu rencontres, tu dis, je sais, il faut que je rencontre cette personne-là. Sauf que là, t'es tout croche. Là, ça prend de l'énergie. Un, t'en profites pour souffrir. Deux, tu vas être doublement tout croche, il y a des chances. Je m'en fous. Tu vas t'arranger pour tout planter, s'il y a des chances non. que ça t'aide. Ça, je m'en fous. OK, pourquoi ça? Ce que je veux... Donc, c'est parce qu'il y a doublement des chances, pour le dire aux autres. Non. Ah, ben oui, dis-le. Mais je l'ai dit. OK. Moi, je m'en fous de pourquoi. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer la personne. Oui. Malgré le fait que c'est, je suis tout bouleversé de c'est ça. C'est pas ça que tu veux. Mais là, je veux pas qu'on vienne à deux autres parties tout de suite. Là. Mais c'est pas ça que tu veux. C'est ce que tu es obligé de te dire. Pour atténuer le contact. Mais je vais en venir à la question d'énergie qu'elle va prendre pour passer à l'action. La volonté n'a rien à voir avec le vouloir. Le vouloir, là, c'est le reflet du miroir. Le vouloir, c'est la spiritualité. Le vouloir, là, c'est une spiritualité qui va du supramental dans l'astral, dans l'ascendant, jusqu'au non, mais la seule chose, c'est que tu peux vouloir. Tu peux pas, c'est... Même là, je veux. Félicitations, parfait. Quand quelqu'un veut, là, j'ai la preuve qu'il y a eu un contact. Il faut rien. La volonté, là, tu fais. Tu veux pas, tu fais. Ça... aucun frein, sans aucune résistance. Tu as eu un contact avec l'intelligence. Ça, c'est le savoir. Et puis, la spiritualisation du contact, c'est « je veux être riche, je veux être bien, je veux m'en sortir, je veux être immortel, astille, je t'écœuré. » Tu as eu un contact. Quelqu'un... Et qu'est-ce que tu fais maintenant pour régler ça? « Ah, ben, si moi, je fais mon possible, puis je fais... » Non, tu chioles encore, tu n'as rien à voir. On va y voir. Ah, il n'y a aucun problème. T'attends après l'autre, ah, puis il n'y a pas qu'elle a de raison. Mais la personne qui a la volonté, elle ne veut pas. Elle n'en parle pas. Elle n'en parlerait. Elle va répondre à des questions. Mais elle ne se plaint pas avec la volonté. Elle ah, agit. Je veux, puis elle ne se plaint pas que ça. Elle agit. Elle ne dit pas, bon, là, je veux-tu ou je veux pas que le gars vienne? Alors, je veux, parfois j'appelle. Ça, c'est une réaction pour couper le contact. Poux. OK, il marche avec son concept. Je veux. C'est efficace. Ça l'oblige à avancer. Mm-hmm. Mais ce que je te dis, c'est que là-dedans, il y a... Il est dans la même nature, la oui, nature mais il y a humaine. L'impression de libre arbitre, parce que là, tu te poses la question, tu es tout conscient. Astille, je veux pas. Bon, ben là, moi, ce que je veux, dans le fond, c'est vouloir. Je veux l'appeler. Oui, mais je me rends compte que je veux pas. Je pogne le téléphone parce que c'est plus fort, puis je l'appelle. Ouais. Mais là, il y a eu toute une démarche de conscience là-dedans. Non, il y a simplement eu une démarche de spiritualisation, puis après ça, tu finis par faire où ça vibre le plus, c'est-à-dire fuir le contact avec l'intelligence. Alors, tu auras l'impression d'avoir pris la décision. Mais non, je n'ai rien qu'à dire. Comment j'amène l'intelligence, moi, là? Je veux pas appeler, puis j'appelle ça. Pas. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu as encore commencé à faire des affaires pour fuir la flamme. Tu peux pas faire ça. Il n'y a rien à faire. Il est fait à l'heure. Envoie chier toute l'intelligence que tu voudras. Dans 3 semaines, ta crise existentielle va recommencer. L'intelligence va encore venir te chatouiller. Là, tu auras besoin d'une bonne conférence pour pouvoir te replacer les concepts. Ça va être correct. Ou bien, il va falloir que tu fasses un mouvement dans la conscientisation pour couper le contact. Puis c'est comme ça. Puis, il ne faut pas aller à la pêche et se dire « Ah oui, c'est le même. Ben, si, ouais, ça va mal à ta barbouche. » Là, tu te sers de ça pour arriver à continuer à souffrir. C'est comment faire pour sortir des affaires? C'est de prendre plaisir. C'est de rire. Puis de poser de questions. Si il réussit, il ne réussira pas. De toute façon, toi, quand tu ne poses pas de questions, tu chiales et tu es chiolage, c'est toutes des questions. Okay? C'est une façon comme une autre, tu sais, c'est pas... Bon. De toute façon, on va en reparler, c'est évident, là, tu sais, il faut préparer les choses, je ne vais pas trop revenir sur les 2 premières parties, donc passons, continuons d'autres choses, là. Mais c'est évident que, ben, la clé, elle est là, ça, c'est sûr, la clé n'est pas de l'admettre, la clé est de le voir, de le comprendre, d'être capable de vivre avec ça, d'être capable maintenant de cesser de souffrir le monde avec les vieilles théories de la psychologie, de la religion, de ces choses-là. C'est être capable de regarder le monde, puis de voir quelqu'un d'une claque d'en face à l'autre dans un autobus, là, paf, de dire... Ils l'ont en tabac. Ils l'ont. Il y a quelqu'un à côté de toi qui va dire, « Comment ça, ils l'ont? Ils viennent de se chicaner! » C'est un bon pêcheur, là. Mais là, évidemment, si tu fais ça, tu recherches les problèmes. Fait que là, tu vas dire, « Non, ils l'ont. Si je ne parle pas d'eux autres, tu vas compter des histoires. » Parce que si tu dis, « Ben oui, ils l'ont certains, mais tu commences à convertir l'autobus, ils vont te mettre dehors. » Là, tu l'as toi aussi. Non, mais ce que je veux, c'est qu'après ça, quand tu regardes les journaux, la radio, la télévision, il n'y a plus rien de stupide sur la planète. C'est-à-dire que ce n'est pas notre monde. OK? Mais ça va très bien. C'est du monde efficace. Je comprends. On est dans un monde très efficace. Mais c'est la même énergie. Quand l'énergie va être appliquée dans une structure à créer du blanc, on va être aussi efficace. Présentement, elle rentre dans une nature humaine qui est orchestrée à l'autodestruction et à la misère. C'est efficace en tabarnouche. L'humain, là, la nature n'était pas si forte, l'humain serait déjà anéanti. Fait que toutes les affaires, là, que l'astral les compte nous autres, c'est pas vrai finalement. C'est tout vrai, mais ça fait partie de... C'est qu'on s'est jamais rendu compte qu'on travaille. On travaille pas pour faire ce qu'on dit qu'on veut faire finalement. C'est-à-dire que le maudit problème, c'est que c'est tout vrai. Et c'est vrai et c'est essentiel comme compréhension pour parvenir à comprendre plus loin des mécaniques plus évidentes. C'est vrai quand tu es là, puis quand tu es là, c'est toujours vrai encore pour celui à qui tu vas parler qui est là. Etc. Ouais. Sauf que ces concepts-là sont utilisables. OK, mais ça ne s'applique plus pour celui qui l'a conscientisé. Il faut que toi, tu ne l'appliques plus comme cela. L'astral est là pour te charrier, c'est vrai. Mais l'astral ne peut te charrier qu'en fonction de tes capacités à être manipulé. Qu'en fonction c'est une des lois que j'ai amenées le 10 ans. Bon. Qu'en fonction de ta volonté? Non, en fonction de ta nature. De ta capacité à être manipulé. L'astral continue à vous chier dessus, c'est évident. Mais vous aimez ça. La nuance est là. Bon, c'est sûr que si je rencontre les individus qui commencent juste à peine à se conscientiser, tu ne vas pas leur dire, t'es de même parce que tu veux. C'est pas ça. Ben, c'est bien trop facile à dire. Non, c'est qu'il ne pourra pas comprendre. Il va s'en servir au maximum pour se faire acquérir. Ça ne marche pas comme ça. Non, mais quoi, on peut, de toute façon. OK? Il y a tellement de choses. Bon, on en parle maintenant parce que les gens ont une conscience avec une information qui est différente. L'astral continue à charrier l'humain, mais en fonction de ton vouloir, en fonction de ta nature à être charrié. Et ça te plaît. L'idée, surtout, c'est que quand tu dis que tu es écœuré, tu admets que tu as un contact. Ça ne dit rien d'autre. Ça ne dit pas que tu es écœuré. Tu vas bouger pour couper le contact, tu ne changeras pas ton comportement. Okay? Ta nature, là, elle ne changera pas. Quand tu dis « je suis écœuré », tu n'es pas écœuré. Il n'y a personne qui va voir un film d'horreur et qui a peur. Elle n'a pas peur. Pas ça, la peur. Elle est ravie. Elle est bien. Elle se nourrit. C'est impeccable. Les gens vont s'abreuver d'un accident d'auto. Les gens vont s'abreuver... On le sait. C'est la nature humaine d'être capable de trouver des mécaniques pour souffrir, pour se hanter. Un accident sur bord de la 15, c'est l'autre voie, puis tout le monde ralentit. Ben oui, c'est ça, 13. C'est congestionné plus l'autre côté que... Ben toujours. Du côté de l'accident. Hein. Les gens aiment, je disais l'autre fois, le patinage artistique aux Olympiques. Tout le monde est là dans l'espoir que l'autre tombera pas. Mais c'est pas vrai. T'es concentré. T'as fait une tombée. Ah, j'aime assez pas ça, moi. Bon, la blague suivante, j'espère qu'elle tombera pas. Mais ça, c'est parce que tu peux pas admettre que... Elle va-tu tomber. Pas là, elle va tomber. Tu peux pas l'admettre. Comme les bagarres au hockey. Le hockey, les courses automobiles. Les gens qui regardent les courses automobiles. Moi, je vais vendre deux cassettes, OK? Les accidents dans la course. Les courses sans accident. Oui, on va vendre des accidents, l'autre bord, on n'en vendra pas une seule. À part toi ou quatre qui veulent souffrir d'une façon différente, là, les masochistes. Mais les autres, ils vont tous acheter des accidents. Tout le temps, tout le temps. Puis quand l'humain se conscientise, l'humain va acheter une cassette différente, elle est en vente actuellement. C'est les grandes échappées. Bon, un truc genre. Alors, tu vois un aigle qui s'en vient, qui pogne un écureuil, puis après ça, là, puis là, l'écureuil arrive à y échapper, puis il se pousse, puis l'aigle part après, puis il mange. OK? Alors, il n'y a pas de mort. Les grandes échappées. C'est déjà un pas ça, vers c'est parce que ton intelligence n'est plus capable de tolérer que tu ailles jusqu'au bout. Alors, toi, tu vas t'organiser pour... Vas-tu l'avoir? Merde, je ne l'ai pas eu. Mais dans ton intelligence, ça va être... Oh, il dit non, pas vraiment fou, il vient de s'échapper. Mais pourquoi tu regardes ça? C'est parce que c'est l'inverse qui t'anime. Mais tu ne pourras pas le mettre clair dans ta conscience. L'intelligence te l'interdit. Sinon, tu vas regarder un écureuil qui est tout seul dans le bois puis qui marche parce qu'il n'y a pas d'aigle qui court après. Si tu vas avoir de la paix. Mais non, il faut que tu vois l'aigle arriver, qu'il l'accroche presque, qu'il arrive à s'en sortir. Puis c'est pas ça que tu veux voir. T'espères qu'ils ont échappé, t'espères qu'il y a un bout qu'ils ont mis par accident. Oui, mais c'est parce que tu te mets dans le pot. C'est-tu ce bout-là que le lièvre s'est fait tuer? Non, merde, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. T'sais, le monde, il regarde ça dans l'espoir qu'il y a un bout qui n'a pas. Mais ton affaire avec l'aigle, là, c'est parce que tu te mets dans un autre point de vue. Mais si ceux qui le regardent, du point de vue de l'aigle, il regarde si l'aigle il va manger aujourd'hui ou pas. Ça, c'est ce que je t'ai parlé au début. Ça, c'est la mentalisation de la sorcière. Mais là, elle est bonne. Là, c'est une farce. Là, mais c'est bien. Quand c'est sérieux, là, c'est compliqué. Mais là, en farce, c'est drôle. Mais c'est ça. Il faut que, la chose, c'est de vivre sa vie en comprenant le monde. Imaginez, vous allez comprendre. Toutes les lois de la psychologie, vous allez regarder ça, vous allez dire, ben oui, mais c'est normal qu'ils disent ça, puis qu'ils fassent ça, puis qu'ils reviennent de même, puis Claude, c'est tout à fait bien, non. Le médecin, il couche avec son patient. Il s'imagine que jamais le patient va le dénoncer. L'entraîneur de hockey qui va aller violer un petit gars, puis qui s'imagine, le prêtre, qui s'imagine qu'ils ne grandiront jamais, ces enfants-là. Voyons donc, ils vont dire, ben non, voyons, il sait, pourquoi il fait ça? Parce qu'il peut souffrir. C'est donc tout à fait logique. C'est le petit gars qui retourne en plus au club de hockey alors qu'il... C'est évident. Oh, c'est parce qu'il a peur. Non. La peur, c'est pas ça la peur. Là, il vit déjà son malheur, puis il va le nourrir. On a peur qu'il est sûr que quelqu'un qui veut arrêter quelque chose... Ah ben, il veut pas. Quelqu'un qui arrête. C'est ça. Bien différent. Et c'est ça. Il faut voir les choses comme elles sont. Ça veut pas dire qu'on va maintenant leur vendre de la misère vu qu'ils veulent de la misère. Parce qu'il y a des événements tellement évidents, des fois, une personne va dire, moi, mais des fois, je rencontre cette personne-là, on chicane. C'est clair, c'est évident, mais oui, mais rien qu'à pas rencontrer. Oui, mais il faut que je rencontre quand même pour telle ou telle affaire. Là. L'idée, le couple, il ne se sépare pas, il s'engueule, il saillisse. C'est impeccable. C'est une relation saine de couple, là. Il faut qu'il y ait des chicanes de temps en temps. Bon. Après ça, je connais du monde, moi, qui vont aller faire du sport avec, mettons, quand ils se réunissent des employés, là. Puis là, tu vois un hostie qui bûche le monde, puis tu ne mettras pas dehors. Puis tu vas ajouter, c'est tout plaqué, t'es tout plein de bleu, vas-tu lâcher l'hockey? Pas question. Si ça améliore ta santé, ah, peut-être tu vas lâcher l'hockey. Mais si les bleus, etc., tu ne lâcheras pas l'hockey pour ça. Puis c'est sans arrêt. Tu regardes des enfants, ils jouent à la guerre. C'est naturel. Bon, mais si, puis les adultes les laissent faire. rien d'autre. Oui, mais il ne faut pas les brimer. Ben, c'est sûr. Si tu les rends heureux, tu les brimes. Non, mais c'est vrai. La nature est malheureux. T'es pas, si tu t'empêches ça. Tout au complet, au complet, au complet. Fait que là, mais je ne veux pas trop revenir là-dessus. Mais il faut qu'on observe. Puis il y a en masse. C'est ouais, une misère. C'est toi qui me ramènes toujours. Puis moi, je me laisse ramener. Là, mais c'est ça. C'est le dernier visage du mensonge humain, là, c'est sa nature fondamentale. Mais là, on peut le mettre à terre. Clac. Il n'y a plus rien après, là. Là, l'humain, là, on n'en parle plus une fois que ça s'est fait. OK? Parce que ça s'arrête là. Autrement dit, ce que je vais expliquer, là, mais là, toi, t'es sûr, les explications de la... Regarde, ce que j'amène là, moi, tu as les religions, les morales, les spiritualités, etc. Puis là, mieux que ça, dans l'affaire ici, tu vas avoir la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie, puis quelques autres affaires. Puis là, tu t'en viens jusqu'à Daniel Kim, puis là, tu es ici, tu as le début de l'affaire. La nature fondamentale de l'homme. Alors, ceux qui sont ici vont l'expliquer à partir de ces mécaniques-là. Ceux qui s'y rapprochent, puisqu'ils ont une tour d'intelligence, vont l'expliquer à partir de ces mécaniques-là. Tu as la mentalisation quelque part là-dedans ici. Après ça, ici, tu as ce que moi j'ai amené. C'est la nature fondamentale de l'homme. En arrière, ici, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus rien. Oublie ça complètement. Plus ça. Là, maintenant, on parlera d'intelligence. Tu ne peux pas amener ça à l'autre bord. Il n'y a rien à faire. L'autre côté, c'est que tu ne veux pas souffrir. Bon. Mais la nature, l'humain ne peut pas suivre là. On ne va pas en parler, bon, parce qu'il y a de l'intelligence qui vient me chapeauter, mais ce que je veux dire, c'est que si maintenant on part de là pour expliquer le reste, bien, tu peux régler toutes les problématiques de tous les humains. Tu arrives à un cas qui est un paranoïaque complet, ou un possédé, un schizophrène, bon, une personne qui est psychosée, et maintenant tu es capable d'appliquer les bons leviers, cliquer aux bonnes places pour lui donner le malheur qu'il faut, un malheur qui est plus fonctionnel dans la société avec une relation de gestion dans son intelligence pour ne pas démolir ses concepts, puis de façon à nourrir le concept pour qu'il accepte la solution que tu lui amènes, qui va nourrir aussi une partie de l'ego d'un malheur qui est moins problématique, la personne va s'en aller, elle va être capable de souffrir normalement. Donc, elle va être heureuse. OK? Avec n'importe quel type de pathologie qui ne dépend pas de désordre physique. Dans les désordres physiques, tu vas être capable aussi de les régler, mais comme la psychosomatose est très puissante, il faudra en même temps que tu reprogrammes la structure de l'humain. Mais pas le rendre conscient. Un psychologue qui commence à être conscientisé, qui veut conscientiser les gens ou qui veut leur dire « Tabarnak, arrêtez de chialer, puis lâchez-le un peu, vous allez bien mieux. » Mais l'autre ne lâchera pas, l'autre ne veut pas être bien mieux. L'autre, il faut que, tu sais, il y a toute une chimie dans l'affaire où le concept dans l'intelligence doit être maintenu d'une certaine façon. Puis l'ego, la nature de l'humain, de pouvoir continuer à espérer souffrir. Soit là, soit ailleurs. Il faut que tu trouves quelque chose. Les gens recherchent la conscientisation des conférences de Daniel Kim, par exemple, les vendredis, parce qu'ils recherchent la dissonance. Alors, à un moment donné, ils entendent dire qu'il y a un gars là-bas qui brasse le monde pas mal. Ah, il brasse le monde pas mal. Si, il va y aller. Il brasse le monde. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été brassé, moi, là. Les prêtres, ils ne me brassent plus, tu sais. T'as péché! Maintenant, t'as péché! Tu vois Daniel Kim, puis là, t'apprends que gling, gling, gling, gling, gling, tu sors de là, puis tu passes là, ping, ping, ping. Si t'es brossé assez, tu peux souffrir 2-3 ans, tu ne reviens plus. Après 2-3 ans, tu reviens vers un tour. Mais l'avantage d'être régulièrement ensemble au niveau des conférences, j'en parlais le mois dernier aussi, que ce soit les conférences du dimanche, même les conférences du vendredi, c'est que l'intelligence chapeaute régulièrement l'humain. Fait que l'humain va être obligé de faire un pas, puis deux pas, puis trois pas, puis quatre pas, puis cinq pas, puis six pas. Puis à un moment donné, il va s'approcher de la mutation. À un moment donné, il va commencer à muter. Puis à un moment donné, il va muter. Mais, je vais dire franchement, l'horreur de la paix, c'est... Tu te rends compte comment tu ne connais pas la paix, mais tu en as peur. Je ne parle pas de vous autres, parce que vous n'êtes pas dans la situation. Prenons l'exemple en Bosnie. Ils ne connaissent pas la paix, mais ils en ont peur à un point tel que l'horreur de la guerre actuellement n'est pas encore suffisante pour que l'intelligence les chatouille plus pour les amener à faire la paix. Ils ont une trêve une journée ou deux ou trois ou quatre, puis à un moment donné, ça devient irritant. Si ça fait 5 jours qu'on se casse pas la gueule, bien, à un moment donné, il y en a un qui n'en peut plus, il lance 3 depuis dans la ville. Puis là, c'est un... C'est de feu maintenu, tu sais, même s'il y a eu 3 ou 4, parce qu'il y en a qui n'en peuvent plus, à un moment donné. Là, tu as la guerre dans les territoires occupés d'Israël, Ben, il n'y a rien à faire. Il y en a un qui est allé en dessous un paquet et s'est suicidé. T'sais, c'est pas grave s'il meurt. C'est une petite dose de misère avant. Et la paix. Ah, sacre bleu. La paix. Il n'y a personne là-dedans qui en veut, la paix. Il y a toute une paix conditionnelle, donc une paix avec des conditions qu'on ne peut pas avoir. Ils n'en veulent pas de la paix. Mais c'est la nature de l'homme. Ce que je ne veux plus parler. Tu penses qu'il comprend? Mais c'est ça. Fait que je vais ramener d'autres choses comme ça, doucement, pas trop vite, et puis... Est-ce que tu penses qu'on a compris? Non, je ne répondrai pas à cette question-là. Quoi? Je ne répondrai pas à cette question-là. Alors là-dessus, on va se laisser. Bonne fin de vie. Et puis, c'est important d'être présent le plus qu'on peut dans les conférences, uniquement parce que c'est une façon évidente de vous faire écœurer par l'intelligence. Ça va vous ébouger. C'est sûr que publicitairement, c'est pas génial de dire ça, je comprends l'idée, là. Mais c'est parce qu'il y a suffisamment de contacts d'intelligence dans la majorité des séminaristes pour que tu acceptes de souffrir dans une démarche qui t'amène à ne pas l'être, puis finalement, à un moment donné, comme toi, c'est ton cas, c'est évident que fondamentalement, tu ne veux rien savoir, puis c'est évident que maintenant, dans une autre fondamentalité, tu es fait à l'os, tu vas y aller. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est, tiens-toi près de moi. Tu ne vas pas souffrir en masse, tu ne pourras y aller. Le bonheur dans les deux mondes. J'essaie de rien. Et voilà. En bonne fin de vie.